السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شكرا الله عز وجل. On est toujours dans la série de cours explicatifs des annulatifs de l'islam, qui est l'explication d'une épître d'un grand imam de la communauté, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, épître expliquée par le noble Cheikh Salafi contemporain, Cheikh Mohammed bin Salim bin Omar, ou Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, hafidhahullah ta'ala. C'est le 17e cours aujourd'hui, et on est arrivé au 6e annulatif de l'islam. On ne va pas traiter tout l'annulatif aujourd'hui, parce que l'explication est un peu plus longue que le précédent, déjà de 1. Et de 2, vers la fin de l'explication, il rapporte certaines fatawas de l'imam, al-mufti, Mohammed bin Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Tiré de Majmou al-Fatawa du 12e volume par rapport à certaines masaïles liées à ce 6e annulatif. Et alhamdoulilah, j'ai le Majmou al-Fatawa complet de Cheikh Mohammed bin Ibrahim, mais je voudrais relire, parce que Cheikh Mohammed Bazmoul, il va citer ces fatawas-là. Et je voudrais les lire avec vous, peut-être retourner dans Majmou al-Fatawa de Mohammed bin Ibrahim, rahimahullah ta'ala, et peut-être, si j'ai le temps, de faire une retranscription d'une cassette où Cheikh al-Albani, rahimahullah, quelqu'un lui pose une question par rapport à une mauvaise compréhension que certains ont de Cheikh al-Albani, rahimahullah, et avant de répondre à la question, la personne lui demande s'il peut lui lire les fatwas de Cheikh Mohammed bin Ibrahim. Cheikh al-Albani dit oui, et Cheikh al-Albani dit ensuite qu'il est d'accord, et il explique les fatwas justement de Cheikh Mohammed bin Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Donc, si j'ai le temps et si c'est possible, ce serait peut-être intéressant de rapporter ce qu'il dit Cheikh Nasser, rahmatullah alayh, par rapport à ça aussi. À la kulli hal, j'avais dit qu'aujourd'hui le cours il est un peu plus court, et que j'ai envoyé un tweet tout à l'heure pour prévenir que j'allais donner l'opportunité aux frères qui connaissent ou qui ont mémorisé une partie du matn ou le matn de pouvoir le réciter, comme on a un peu le temps. Donc si quelqu'un veut réciter le matn, qu'il se fasse connaître, qui connaît le matn, man yaqra le matn hifdan. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يعلم أن النواقيد الإسلام عشرات النواقيد. الأول: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وماواه النار وما لظالمين من أنصار. ومنه ذهب لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر. الثاني: من جعل بينه وبين الله وصايا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر عجما. الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحاح مذهبهم كفر. الرابع: من اعتقد أن غير أدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من أدي، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم التواغيت على حكمه، فهو كافر. الخامس: من أبغض شيئا مما جاه به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. السادس: من استزهى بشيء من دين رسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. والدليل قاله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم السابع السر. On est arrivé au sixième. Juste, on avait rajouté un dalil, hein, la semaine passée, non? C'est comme le latif. Qui s'est cité le verset? Moi, je crois l'ayah, latif. Parce que c'est vrai qu'on avait dit qu'il y a des frères. Est-ce que tu l'as étudié de l'explication sur Bezmo ou non? Tu as maintenant pas où tu étudies. On avait dit qu'ici, il y avait un... كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالكم فأحبط أعمالهم في الفرسة كل سورة محمد كل فرسة أحسنت دكتور كل كم تدخل في فرسة من يقرأ c'est toujours les mêmes qui se prend hein qui se lance en premier et ouais ou bien on va commencer à désigner elle a Bourmaïsa تفضل عشرة نواقض. الأولى الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله. كمن يذبح للجن أو للقبر الثاني من جال بينه وبين الله وسائها يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو يتوكل عليهم كفر إجماعا الثالث من يعينه من لم يكفر المشركين أو شك على كفرهم أو صح قبلهم أو شك في كفرهم كفر إجماعا أو صح مذهبهم كفر إجماعا الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه كفر فهو كافر الخامس من أبرد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر ودليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم السادس من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر تشغده من استهزأ بشيء من دين الله من دين الرسول صلى الله عليه وسلم السادس نعم Je leur dis que c'est facile de corriger les autres, hein. C'est difficile de se lancer soi-même. Hein. Non, mais vas-y, continue, c'est pas grave. Alors, ce qu'on aurait dû faire peut-être au début, c'est se mettre d'accord sur, hein, sur un maintenant. Et peut-être tous on est la même version. Allez, Koulim, allez, choisis. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم تفت لنصي يلا زيد قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كلمتان في نواقض الإسلام العلم رحمك الله أن نواقض الإسلام عشرة نواقض الأول أشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لله كما يذبح للجن أو للقبر ومنه الذبح لغير الله كما يذبح للجن أو للقبر الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة والتوكل عليهم كفر الجماعة الثالث من لم يكثر المشركين أو سفر الكفر أو صح كفرهم من لم يكثر المشركين أو شك في كفر ما صح مد أو صح كنت سيف كومبليس مذهبهم من لم يكف المشركين أو شك في كفره أو صح المذهب من كفر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي أو أن حكم غيره أحسن من حكمه الذين يفضل حكم طوائف على حكمه فهو كافر. الخامس من يعتزل من أبغض شيء مما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. والدليل قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا بما ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله عليكم فأحبط ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزى بشيء من دين رسول الله وسوى بالله ويقع به كفر. ودليل قوله تعالى قل أبالله وآياتي ورسولكم تستهزئون تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسنت. بالنسبة للفصل من leur côté entre elles. D'accord. Quelqu'un d'autre? C'est pas facile de parler devant les laissez-vous ça là. Il faut apprendre. Man yaqra. Hifdan. Yalla zid tfadl. J'ai dit on a un peu le temps aujourd'hui donc alhamdoulillah c'est pour se motiver les uns les autres. Tfadl. Alhamdoulillah. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. ومأواهم النار. وقال تعالى إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواهم النار. ومأواهم النار وما لظالمين من أنصار. تفضل إيوا أحسنت. ومنه الذبح لغير الله كالذي يذبح للجن أو للخبر. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهو كافر. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. الرابع من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فهو كافر. كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. أيوة أحسنت. من quelqu'un d'autre ou on peut se lancer directement dans le sharh? Hein, encore une fois, c'est le but, c'est pas de mettre les gens mal à l'aise, parce que c'est sur une base volontaire, mais c'est juste de se motiver et surtout d'apprendre un peu à parler devant autrui. D'accord ? Il faut retirer un peu cette peur et d'apprendre à parler devant les gens, etc. À la kulli hal, on est donc au sixième naqid, al-naqid al-sadis. من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السادس من استهزاء بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Le sixième annulatif, c'est-à-dire parmi les dix annulatifs de l'islam que Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab رحمه الله il a cité dans son épître. Le sixième, on a dit d'abord toujours dire qala al-musannif rahimahullah, c'est-à-dire l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit le sixième, quiconque se moque d'une chose faisant partie de la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de sa récompense, ou de son châtiment, aura mécru. Et la preuve de cela est la parole d'Allah, le Très-Haut, dont la traduction du sens est. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets, c'est-à-dire entre parenthèses le Coran, et de son messager que vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Traduction du sens des versets 65-66 de Surat al-Tawbah. Maintenant on a l'explication de cet annulatif, le sixième, en tout cas en partie aujourd'hui, Inch'Allah, du savant salafi, Cheikh Mohammed bin Omar bin Salim Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala. Et il dit, « Hada al-naqid أو هذا ناقض بالقول. والناقض الخامس الذي قبله كان ناقضا اعتقاديا رحمك الله، إذ هو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والبغض من أعمال القلوب، والاستهزاء والسخرية تكون بالقول يعني باللسان. Il dit ici, ceci est un annulatif par la parole. Il parle de quel annulatif ici? Du sixième. On a dit c'est quoi l'annulatif, hein? Il commence par man istahza'a bishi'in, quiconque se moque. D'accord? Jusqu'à la fin de l'annulatif. Il dit donc ici, ceci est un annulatif par la parole. Alors que le cinquième annulatif, qu'on a vu dans le cours précédent, qui a précédé, est annulatif par quoi? Par la croyance. Car c'est une détestation d'une chose parmi ceux avec lesquels est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la détestation fait partie des actions de quoi? Du cœur. Et ici il dit, et la moquerie et la raillerie, il dit l'istihza wa sukhriya, la moquerie et la raillerie sont là par la parole, c'est-à-dire avec la langue, ay bil lisan. Et il y a ici plusieurs points. D'accord? Si je me souviens bien, le shir va rapporter 7. On va peut-être en faire 4 aujourd'hui, inshallah. Il dit, وهنا مسائل. المسألة الأولى، هذا الناقد هو الاستهزاء بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن العظيم. فمن استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن العظيم فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. لأن أصل التوحيد وأصل الإيمان يقوم على تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه. فمن سولت له نفسه أن يسخر، عليك السلام، أن يسخر أو يستهزئ بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بدينه، فإن هذا مناف لأصل الإيمان وأصل التوحيد، وهو التعظيم لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه. Premier point, il dit d'accord, Cheikh Mohamed Bazmoun, par rapport à ce sixième annulatif, il dit il y a plusieurs points. On ne va pas les faire tous comme on a déjà dit. Le premier point, c'est lequel? Cet annulatif, qui est le sixième, c'est se moquer d'Allah ou du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou du sublime Qur'an. Donc quiconque se moque d'Allah, ou de son messager, alayhi salatu wa sallam, ou du sublime Qur'an, aura mécru, vous pouvez terminer, de quelle mécréance? Ici on parle, hein, d'une mécréance majeure qui le fait sortir de la religion. D'accord? Donc je répète cette phrase ici, quiconque se moque d'Allah ou de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou du sublime Qur'an, aura mécru d'une mécréance majeure, wal'iyadhu billah, qui le fait sortir de la religion. Car la base de l'unicité et la base de la foi, asl al-tawhid wa asl al-iman, s'établit sur la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et le profond respect de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de son livre. Et donc, celui dont son âme lui a suggéré de railler ou de se moquer d'Allah, le Très-Haut, ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam, ou de son livre, ou de sa religion, cela est incompatible avec quoi? Avec la base de la foi, non, et la base de l'unicité, d'accord? Qui est la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala et le profond respect envers son messager alayhi salatu wasalam et son livre. Et il dit, pour les frères qui ont le livre, c'est page 136, قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سورة التوبة 65-66. الشيخ الذي يقول الشيخ محمد بزمون حفظه الله تعالى فهؤلاء الذين استهزأوا ما كانوا يعلمون أن فعلهم كفر وما كانوا يريدون الكفر، هم فقط يعلمون أن السخرية لا تجوز وأرادوا المزح واللعب لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc Cheikh il dit ici, il cite le verset, la parole d'Allah dans la traduction du sens est. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dit, est-ce d'Allah, de ces versets, c'est-à-dire le Coran entre parenthèses, de son messager, que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Ici, il serait peut-être intéressant de rapporter le hadith qui a été rapporté par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la raison pour laquelle le verset a été révélé. On le fera peut-être dans le prochain cours, Inch'Allah. La suite de la traduction du sens du verset, si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Surat Tawbah, verset 65-66. Et puis le shir, il continue, il dit, donc ceux-là, ceux qui se sont moqués, ça c'est un point très important à comprendre ici, ne savaient pas que leur action était une mécréance. On va voir plus tard que ce n'est pas une condition. D'accord ? Il a dit ici, donc ceux-là qui se sont moqués ne savaient pas que leur action était une mécréance. Et ne voulaient pas la mécréance. Ils ne savaient que le fait que la raillerie n'est pas permise et ils voulaient plaisanter et jouer. Donc ils savaient que ce n'était pas permis, d'accord ? Mais qu'est-ce qu'il a dit le shir ici ? Ils ne savaient pas que leur action était quoi ? Une mécréance. Et ma aradou l'a dit le shir, ils ne voulaient pas, ils n'entendaient pas par cela la mécréance. D'accord ? Et continue le shir, il dit, la traduction du sens de la parole d'Allah dit, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Maintenant, il va rapporter une parole d'un imam de la communauté qui s'appelle Ishaq ibn Rahawi. Il dit, قال Ishaq ibn Rahawi, rahimahullah ta'ala, ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله وإن كان مقرا يقول ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر وكذلك من شتم نبيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici, hafidhahullah ta'ala, ou rahimahullah, pardon, cheikh Bazmoun, hafidhahullah, qui cite la parole d'Ishaq ibn Rahawi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc Ishaq ibn Rahawi, il dit, et parmi ceux au sujet desquels ils sont unanimes, quant au fait de le juger mécréant, et au sujet duquel ils ont jugé comme ils ont jugé celui qui renie, ce qu'on appelle en arabe, al-jahid. D'accord, ce qui vous, un mot qui déjà qui va être familier, c'est le mot quoi? Juhud, jahada. Al-Juhud, et celui qui on appelle comment l'ism al-fa'il, on dit Al-Jahid. D'accord, celui qui renie. Il dit le croyant qui a cru en Allah le Très-Haut et en ce qui est venu de lui, subhanahu wa ta'ala, puis a tué un prophète ou a aidé à le tuer. Et c'est même s'il reconnaît et dit que tuer les prophètes est illicite. C'est un mécréant. Et de même pour quiconque insulte un prophète ou réplique à sa parole sans crainte ni peur. Radd alayhi qawla. On va voir, il va rapporter un hadith par rapport à ça, le shir. Il dit, ne vois-tu pas ce qui était rapporté du prophète, alayhi salatu wassalam, justement, il rapporte le hadith. Lorsqu'il donna un bédouin, on va d'abord lire en arabe, il dit, Ala tara ila maja'a anin nabi sallallahu alayhi wasallam, hina a'ta al-a'rabi, thumma qala lah, ahsant, qala wala ajmalt. فغضب أصحابه رضي الله عنهم حتى هموا بقتله فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكف وقال للأعرابي تأتينا فجاءه في بيته فأعطاه وزاده ثم قال له أحسنت قال إي والله وأجملت فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن مثلي ومثل هذا ومثلكم كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا فقال صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أعلم بها وأرفق فأخذ من ثمام الأرض شيئا ثم جاءها من بين يديها فجعل يقول لها هوى هوى فجاءت فاستناخت بين يديه فشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو أطعتكم حين قال هذا ما قال فقتلته دخل النار. Il dit, ne vois-tu pas ce qui a été rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il donna un bédouin puis lui dit, ai-je été bienfaisant? Il, c'est-à-dire qu'il, le bédouin, répondit, non, et tu n'as pas agi de manière convenable. Les compagnons, car les agréent tous, furent alors en colère et eurent l'intention de le tuer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur fit un signe, hein, de se retenir ou d'un signe de la main et dit au bédouin, viens chez nous. Et donc le bédouin vint à sa maison et il lui donna, alayhi salatu wa sallam, et lui rajouta. Puis il lui dit, ai-je été bienfaisant? Et le bédouin dit alors, oui par Allah, et qu'Allah te récompense en bien de la part d'une famille et d'une tribu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors à ses compagnons, moi, avec celui-ci et vous, sommes à l'exemple d'un homme qui avait une chamelle, qui lui a désobéi et que les gens ont suivi. Hein? C'est-à-dire une chamelle qui a désobéi, qui s'est enfuie, d'accord? Et que les gens ont suivi et qui ne lui ont rajouté qu'en fuite. Et dont le propriétaire, et donc le propriétaire de la chamelle dit alors, il dit aux gens, laissez-moi avec ma chamelle, car je suis le plus connaisseur à son sujet, et le plus doux envers elle. D'accord? Et il prit donc un peu de, ici le mot en arabe que vous avez, c'est min thimam al-ard. D'accord? Thimam al-ard, c'est une plante qui s'appelle en franc, bon français, s'appelle le pénisette. Ce qu'on appelle en langage familier l'herbe. Comment ça s'appelle encore les frères? Eh ouais, les frères de la biologie, là, etc. Hein? Le professeur de bio, là. Hein? Le bon mot en français, c'est le pénisette. Y'a que ça? À la koulihan. L'herbe fontaine, voilà. En langage familier. Hein? À la koulihan. Donc, il a pris ce qu'il a dit ici, le timam l'ard. Et lui dit donc, c'est qui parle ici? C'est le propriétaire à la chamelle. Donc, il prend cela par terre, puis va devant elle et s'est mis à lui dire, Hawa, Hawa, la chamelle, hein, baraka alors, devant lui, il y attacha sa selle et s'est mis sur elle. D'accord? Le verbe baraka en français, d'ailleurs, je pense qu'il vient d'un mot arabe, hein? Qui est quoi? D'ailleurs, Cheikh Aoui, vous vous rappelez qu'on avait fait au Sultanata? Il avait dit une erreur que font beaucoup de gens, ils disent, Mabruk alayk. Hada khata, fil l'oral arabia. On dit, Mubarakun alayk. Parce qu'évidemment, tu ne veux pas dire que quelqu'un a baraqué sur toi, évidemment, quand tu demandes la baraka pour quelqu'un. D'accord, hein, c'est une erreur que beaucoup de gens ils font, ils disent Mabruk alayk. Ça, c'est une erreur. Hada khata lughawi, yanbaghi an yuqal, Mada Mubarakun alayk. Ça, on avait parlé de ça dans Cheikh Aoui, il avait parlé de ça dans l'Usul Talata. D'accord. Donc la chamelle baraka alors devant lui, il y attacha sa selle et se mit sur elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue sa parole en disant, et si je vous avais obéi lorsque lui, si le bédouin a dit ce qu'il a dit et que je l'avais tué, il serait entré en enfer. D'accord. Maintenant continue la parole d'Ishaq ibn Rahawi. Qala Ishaq, akhbarini bidhalika iddatun minhum Ibrahim an al-Hakam ibn Aban, an al-Hakam ibn Aban, an Ikrimah, an Abi Hurairah radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إسحاق ففيه هذا تصديق ما وصفنا أنه يكفر بالرد على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كل من كان كفره من جهة الجهل وغير استهانة رفق به حتى يرجع إلى ما أنكره كما رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأعرابي وقوله لأصحابه إني لو قتلته حين قال ما قال دخل النار دلت أن ثبوته على قوله يسير به كافرا وإن كل من كفر فرجوعه إلى الإيمان فيه عن ذلك ولا يدعى في رجوعه عن كفره إلى الإقرار بالإيمان وذلك أنه لم يكن جاحدا فكذلك تارك الصلاة يدعى إلى الصلاة فإذا ندم وراجع زال عنه الكفر. سلام الله قال إسحاق بن راهويه كما سنقول tout entier en français إن شاء الله. قال إسحاق وكل شيء من الوقيعة في الله عز وجل أو في شيء أنزله الله تعالى على أنبيائه فهو كفر يخرجه من إيمانه وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى. Et puis vous donne une référence, un livre qui a été publié dans une bonne édition, j'ai oublié l'édition sarahatan, mais il y a un gros volume qui est sorti avec un tahqiq, c'est Ta'dim Qadr al-Salah li Muhammadin ibn Nasr al-Marwazi, le grand imam. Il a dit wa qarin bi as-Sarim al-Maslul. On a déjà parlé du Sarim al-Maslul dans le dars précédent. On va traduire le reste de la parole. Donc Ishaq Murahawi rahimahullah, il dit un certain nombre d'entre eux m'ont rapporté cela, parmi eux Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban, d'après al-Hakam ibn Aban, d'après Ikrimah, d'après Abu Huraira, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ishaq a dit, il y a en cela la confirmation de ce que nous avons décrit, qu'il m'écroit par sa réplique au propos du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais toute personne dont la mécréance est sous l'angle de l'ignorance et pas sous l'angle du mépris, alors on est doux avec lui jusqu'à ce qu'il revienne vers ce qu'il avait auparavant dénié. Comme le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a été doux envers le bédouin. Et sa parole alayhi sallallahu alayhi wa sallam à ses compagnons, si je l'avais tué lorsqu'il avait dit ce qu'il avait dit, il serait entré en enfer. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Hein? Ça indique quoi alayhi sallam? Cela indique que s'il s'était maintenu sur sa parole, il serait devenu donc quoi? Mécréant en raison de cela. Et puis il dit, oui, quiconque mécroit, son retour est par le retour vers la foi de cette mécréance, il n'est pas appelé dans son retour de cette mécréance à affirmer la foi, car il n'avait pas renié cela. Il en est de même pour celui qui a délaissé la prière. Il est appelé à prier, et s'il regrette et se repent, eh bien, la mécréance à ce moment-là, zala anhu al-kufr, la mécréance à ce moment-là le quitte. Ishaq a dit, et toute chose faisant partie de la critique d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'une chose qu'Allah le Très-Haut a fait descendre à ses prophètes, est une mécréance qui le fait sortir de sa foi, et ce même s'il reconnaît tout ce qu'Allah le Très-Haut a fait descendre. D'accord ? Je vous donne la référence, Ta'dim Qadr al-Salah de Mohamed ibn Nasr al-Marwazi, volume 2, page 930-932, et il dit le shir ici, et compare avec Sarim al-Mesloul, volume 1, page 563. Maintenant, on va voir une parole de qui ? De l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Qala Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, السب الذي ذكرنا حكمه من المسلم هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح ونحوه هو الذي دل عليه قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم من سورة الفرسيت سورة الأنعام فرسيت 108 انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى دونك ابن تيمية كيس كيل دي قال لي فاس من زيركورد l'injure dont nous avons cité le jugement de la part d'un musulman est la parole dont l'intention est le dénigrement et le mépris al-intiqas ou al-istighfaf et c'est ce qui est compris comme étant une insulte dans l'esprit des gens de toute croyance comme la malédiction de l'âne et l'injure, etc. Et c'est ce qui était indiqué par la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est « N'injuriez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. » Regardez le tawjih ici, hein, du Coran, les orientations du Coran, comment se comporter. Et c'est important, je pense, Inch'Allah, il serait important peut-être qu'en cours précédent, on fasse peut-être rapport le tafsir de Sa'di, rahimahullah, par rapport à ce verset de Surah Al-An'am, verset 108. Et ça, c'est la fin de citation, toujours de Sarim al-Masloul, d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, volume 1, page 513. Maintenant, après le premier point, c'est quoi ? C'est le deuxième point. Al-Mas'alatu al-Thaniya fihi anhu la yushtaratu fi takfir al-mu'ayyani an yu'lama an al-amr alladhi atahu, an yu'lama an hada al-amr alladhi atahu kufr. يكفي أن يعلم أنه حرام ولا يجوز وبعض الناس يفسر العلم في شروط التكفير المعين أنا avait parlé de شروط الموانع vous vous souvenez d'accord vous êtes avec moi là ou pas hein? On avait dit les conditions et les barrières une des conditions c'était quoi علم etc donc ici il dit وبعض الناس يفسر العلم في شروط التكفير المعين بأن يعلم أن ما يأتيه كفر وهذا لا دليل عليه بل الآية هنا على خلافه. Puis il va donner une parole d'Ibn Taymiyyah. Il dit, قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرا بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظنوه كفرا وكان كفرا كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه وهكذا قال غير واحد من السلف انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى. Deuxième point, qui a toute son importance, que ce n'est pas une condition pour juger l'individu spécifique comme étant mécréant qu'il sache que la chose qu'il a commise est une mécréance. Il suffit qu'il sache que c'est illicite et que ce n'est pas permis. Regardez les ulama comment ils comprennent les versets du Coran et comment ils comprennent les textes de la législation. Et c'est pas n'importe qui va citer ici, c'est Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, il suffit qu'il sache que c'est illicite et que ce n'est pas permis. Et certains expliquent la science, qui est une condition pour juger un individu spécifique, comme étant, quoi, mécréant, par le fait qu'il sache que ce qu'il commet est une mécréance. Et le Cheikh, il dit, il n'y a aucune preuve là-dessus. Il dit, et cela n'a aucune preuve. Mais de plus, le verset ici indique quoi? Le contraire. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit, Allah le Très-Haut dit, c'est dans la traduction du sens est, et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Qu'est-ce qu'il a compris ici, Ibn Taymiyyah, du verset? Écoutez la parole d'Ibn Taymiyyah, il dit, ils ont donc reconnu et se sont excusés. Atarafu wa atadaru. Et c'est pour cela qu'il fut dit, c'est dans la traduction du sens est, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons une partie des vôtres, nous en châtirons une autre pour avoir été des criminels. Ceci donc indique donc que pour ceux qui n'avaient pas commis de mécréance, je répète cette phrase. Ceci donc indique que pour eux, ils n'avaient pas commis de mécréance. Mais de plus, ils ont pensé que cela n'était pas une mécréance. Et donc, il a mis en évidence, subhanahu wa ta'ala, que se moquer d'Allah et de ses versets et de son messager est une mécréance dont la personne qui la commet mécroit après avoir cru. Ceci indique donc qu'ils avaient quoi? Une foi faible. Et qu'ils ont donc commis cet acte illicite au sujet duquel ils savaient que c'est illicite, mais qu'ils n'ont pas pensé être une mécréance. Mais c'était une mécréance par laquelle ils ont mécru. Qu'ils savaient que c'était quoi? Que c'était interdit, que c'était haram, que c'était muharram, mais ils ne pensaient pas que c'était une mécréance. Et malgré cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mécru. Et le cheikh il dit, ils n'ont pas cru que c'était permis. Et c'est ce qu'a dit plus d'un parmi les plus prédécesseurs, et c'est la fin de citation du cheikh l'islam dans Mujmu' al-Fatawa, volume 7, page 273. Puis le cheikh Mohamed Bezmoul, il continue en disant, et rapporte d'ailleurs une autre parole de qui? De Ibn Taymiyyah rahimahullah. وقال رحمه الله إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ظاهرا عن اعتقاده هكذا أو هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. C'est toujours de Salim al-Maslul, volume 1. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. Une autre parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, insulter Allah ou insulter son messager, alayhi salatu wasalam, est une mécréance intérieurement et extérieurement. Que celui qui est insulté croit que c'est illicite, ou qu'il croit que cela est licite, ou qu'il ne pensait pas à sa croyance. Ceci est le madhhab des jurisconsultes et de tous les gens de la sunna qui disent que la foi est une parole et une action. Fin de citation. D'accord? J'avais déjà rapporté dans plusieurs cours la parole ou la définition de l'iman, qui est une définition assez facile à retenir, qui est un poème en cinq nun, hein, qu'on a donné d'ailleurs aux enfants à la Salafi School, qui beaucoup d'entre eux connaissent par cœur, mon alhamdulillah. N'importe qui peut mémoriser ça assez facilement. Il a dit, Hamel Ansari, rahmatullah alayh, d'accord? Il a dit, l'iman, khamsou, nunat. C'est quoi? C'est qawlun billisan. Il y a déjà un nun ici. Qawlun billisani. Wa? Wa atiqadun biljanani. Wa? Amalun bilarkani. Yazidu bita'ati arrahmani. Wa yanqusu bita'ati shaytani. D'accord? Pour les frères qui veulent l'étudier, je l'ai mis en PDF sur notre site. Ils peuvent le télécharger et ils peuvent la mémoriser, Inch'Allah. D'accord? Yachar Abdel Boukhali rapporte cette définition de lui et d'autres machères. Troisième point, donc on a fini la citation d'Ibn Taymiyyah. Troisième point, je crois qu'on va s'arrêter au troisième et au quatrième, Inch'Allah. Donc on va faire troisième, quatrième, on laissera le 5, 6, 7 pour le cours prochain, Inch'Allah. المسألة الثالثة إذا صدر من الشخص سب للدين أو للعلماء فإنه لا يعامل في سبه واستهزائه للدين أو للعلماء معاملته لسبه لله أو لرسول لينفوتسي للرسول أو للرسول صلى الله عليه وسلم أو للقرآن إنما يستفصل منه ماذا يريد. Troisième point, si l'émane d'un individu une insulte de la religion ou des savants. Vous voyez de quoi on parle ici maintenant. De la religion ou des savants. On ne se comporte pas alors, ou plutôt on ne se comporte alors pas avec lui dans son insulte et sa moquerie de la religion ou des savants, comme on se comporte avec celui qui insulte Allah, ou son messager, alayhi salatu wassalam, ou le Coran. Mais on lui demande de s'expliquer. Que veux-tu par cela? qu'entends-tu par cela ? Cheikh il dit, فإذا أراد بسب الدين أي طريقة هذا العالم أو طريقة هذا الشخص في تدينه من التشدد أو من التساهل أو من التلاعب أو نحو ذلك فإنه بذلك قد وقع في محظور ولكنه ليس بكفر مخرج له عن الملة ليس بكفر مخرج له عن الملة أما إذا قال أنا أقصد دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بهذا يرحمك الله فإنه بهذا يكفر فإذا الأمور المجملة المحتملة تحتاج إلى استفسار وتبين لمراده ومنه يعلم وجه تخصيص القرآن الكريم بهذه الثلاثة أو لهذه الثلاثة الله والرسول صلى الله عليه وسلم القرآن فإنها لا استفسار فيها مجرد صدور سب أو استهزاء أو سخرية بحق الله أو بحق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن صاحبها يكفر ويخرج من الملة والدين. Troisième point, je le répète dans son entièreté pour que ce soit bien compris. S'il émane d'un individu une insulte de la religion ou des savants, on ne se comporte alors pas avec lui dans son insulte et sa moquerie de la religion ou des savants comme on se comporte avec celui qui insulte Allah ou son messager alayhi salatu wassalam ou le Coran, mais on lui demande de s'expliquer. Que veux-tu dire par cela ? S'il entend par l'insulte de la religion la méthode de tel savant ou la méthode de cet individu dans sa pratique en termes d'extrémisme ou de laxisme ou de tromperie, etc., il sera alors tombé en raison de cela ce qu'on appelle en arabe un mahdour, quelque chose qui est interdit. Mais ce n'est pas une mécréance qui le fait sortir de la religion. Mais s'il dit, moi j'entends par cela la religion de l'islam avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il mécroit en raison de cela. D'accord ? Donc les choses générales, et ça c'est une règle importante, donc les choses générales comportant différentes probabilités requièrent une demande d'explication et de clarification de ce qui est voulu par la personne concernée. Retenez cette phrase-là, elle est importante. D'accord ? Donc, les choses générales comportant différentes probabilités requièrent une demande d'explication et de clarification de ce qui est voulu par la personne concernée. Et de cela, on comprend, regardez encore une fois, les ulama, comment ils comprennent le Coran. Et de cela, on comprend pourquoi dans ce verset du noble Coran, quel verset ? Le sourate ? Tawbah, verset 65-66, qu'on a déjà cité précédemment. Ces trois ont été cités de manière spécifique. Qui ? Allah subhanahu wa ta'ala, le messager sallallahu alayhi wa sallam et le Coran. Car on ne demande d'expliquer, on ne demande pas d'explication en ce qui les concerne. Vous avez vu comment ils comprennent le verset de l'ulama ? Le simple fait d'insulter ou de se moquer ou de railler Allah ou le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui commet cela mécroit alors et sort de la religion. Quatrième point et dernier point pour aujourd'hui, inshallah. المسألة الرابعة يعلم من التقرير السابق أن المسائل التي يكفر بها على نوعين. C'est-à-dire qu'il va vous résumer ce qu'il vient de dire en fait dans le point précédent. منها ما هو ظاهر بين لا يحتمل غير الكفر وهو سب الله سبحانه وتعالى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب القرآن أو الاستهزاء بالله أو الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو السخرية بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن فهذه الثلاثة إذا صدرت لا يستفصل فيها وأما ما يحتمل الكفر وغيره فإنه يستفصل فيه وذكر في الحاشية قال شيخ بزمون انظر الضابط الحادي عشر من ضوابط التكفير أي الضابط الحادي عشر من الضوابط التي ذكرها في المقدمة d'accord c'est-à-dire le Il va, on va dire après en français, inshallah. Quatrième point et dernier pour aujourd'hui. On sait de ce qui était établi précédemment que les choses par lesquelles on juge mécréants sont de deux types. Retenez ces deux différents types. Ce qui en est apparent et qui ne comporte pas de probabilité. Ce qui en est apparent et qui ne comporte pas de probabilité autre que la mécréance. Et c'est insulter Allah et insulter le messager et insulter le Coran. Ou se moquer d'Allah, ou se moquer du messager, alayhi salatu wassalam, ou du Qur'an. Ou railler Allah, ou le messager, alayhi salatu wassalam, ou le Qur'an. Ces trois choses, si elles ont lieu, on ne demande pas d'explication à leur sujet. Vous avez compris maintenant qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? La raison du fait qu'ils sont été cités de manière comment? Moi, j'ai tarsis. Fil aya. La raison pour laquelle ils ont été cités de manière spécifique dans le verset. D'accord? Deuxième type, quant à ce qui comporte, je répète cette dernière phrase, ces trois choses, si elles ont lieu, on ne demande pas d'explication à leur sujet. Quant à ce qui comporte, deuxième type maintenant, quant à ce qui comporte une probabilité de mécréance et d'autres choses qu'à la mécréance, alors on demande une explication à ce sujet de qui? De la personne concernée. Et donc le jugement il va être en fonction de ça. Vous voyez les ulama comment ils sont précis dans l'i'tiqad, dans les points qui touchent à la croyance. D'où l'importance de prendre notre croyance des ulama, spécialement les enracinés parmi eux dans la science, et de revenir à leur compréhension, dans la compréhension de points aussi précis et aussi importants que ce point-ci. Et il dit dans la note de bas de page, il renvoie, vous voyez l'importance de cette introduction. أهميت المقدمة التي ذكرناها وترجمناها إلى اللغة الفرنسية في مقدمة ماذا؟ مقدمة نواقض الإسلام وشرح نواقض الإسلام وإلى إلى إلى سيتي لضوابط التكفير الخمسة عشر لكنز غير دون تكفير qu'il a cité au début en termes d'introduction. C'est pour ça une des raisons, comme je l'ai déjà dit, qu'on a choisi, pour laquelle on a choisi ce livre. Il renvoie à une de ces règles-là. Donc l'importance de temps en temps, c'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, c'est mon conseil de temps en temps de les revoir. Et comme ça, avec le tikrar, le hifdh vient, et le fait de se rappeler de ça, et le fait de bien les avoir, de bien les comprendre, arrive aussi, bi'inillahi ta'ala. Donc le revoir, il renvoie à cette 11e règle du tekfir. Je vous ai mis un lien dans les notes, inshallah, que vous aurez peut-être ce soir ou demain matin sur le site, inshallah. Et c'est le PDF numéro 6 des PDF qu'on a fait, qui sont au nombre de 16 jusqu'à maintenant, et inshallah, à partir de demain, au nombre de 17. Et il fait référence à la 11e règle parmi les 15 règles du tekfir qu'on a déjà vues. D'accord? Donc, comme j'ai dit, inshallah, la semaine prochaine, si tout va bien, inshallah, on aura donc la mis'ala al-khamisa, mis'ala al-sadisa, mis'ala al-sabi'a. Il rapporte un point intéressant aussi par rapport à ceux au sujet duquel le verset a été révélé dans le cinquième point. Puis dans le septième point, si vous regardez à la page 145, là, il rapporte une fatwa. وقد سئل مفتي البلاد السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عن حالة بعض الشباب من تلاميذ المدارس وأنهم يسمون علم التوحيد علم التوحيش ويسمون علم الفقه علم حزاوي العجائز وحكمهم فأجاب وفيلا دوني الحكم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وفي نطخ فتوى باج 146 وسئل عن الذي يبغض اللحية ويقول وساخة هل هو مرتد فأجاب تقريرا في لغبوختي لا فتوى وفيك سنرى فني دونك لأكسبكاشن دو سيزيام نلاتيف الحمد لله ونغيف petit à petit vers la fin du livre إن شاء الله تعالى. Et comme j'ai dit, j'essaierai, bidnillah, parce que j'ai retrouvé la cassette où, que j'ai à la maison, mais elle est dans les cassettes, de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, où on lui cite ces fatawas-là, et où il les explique, et il rapporte le mu'taqad al-sunnah, en conformité à ce qu'a dit Cheikh Mohammed Ibrahim, rahimahumullah, jami'an. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.